please check it out. Monsieur, quoi? Monsieur, quoi? Eh, des kills de boula. Eh, au porté de main, ça roule. Alors, tout le monde, la main en l'air. C'était bien avec la maison mère. Avec la maison mère. Sur la droite, sur la gauche, jusqu'au fond, derrière. Ah mais merde, mais qu'est-ce qui se passe, où est passé le temps, où on pouvait respirer en soirée sans demander où on pouvait qu'elle blow gun. Au cas où les choses tournent mal, c'est clair que c'est là-haut, ça déconne, je me la joue. Ancien old school, c'est vrai qu'à l'époque on faisait bloc, tout le monde voulait tuer le rock. Le vrai combat il a toujours été là d'ailleurs, pas ailleurs, pour le hip-hop donner le meilleur de soi. Et si ça se passe pas comme ça, je crains le pire, que plus personne ne s'étonne si les meufs ne veulent plus sortir. C'est dommage d'ailleurs, quand on sait qu'avec le son c'est la base, une soirée pas trop naze, c'est effacé. Respire, et si ça suffit pas, respire. Ou bien le pire est à venir, bébé, augmente les dB. Yeah, yeah, yeah. Tout le monde dans la place se fait. Yeah, yeah, yeah. Venir, baby.